Et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Asile le plus haut sur antenne du 94 MHz. Ça, c'est pour le direct le lundi à partir de 21h30 et des poussières, ou également à partir de son blog asile35.blogspot.fr. Possibilité d'écouter le stream à partir du mixcloud.com/redman ou encore à partir de vos outils de podcast préférés. Vous pouvez vous abonner pour être au courant des nouvelles parutions de l'Asile sur son blog. Voilà, on va attaquer l'émission de cette semaine. Alors, j'ai toujours un petit peu de mal à trouver une sélection pour démarrer, pour tout vous dire. Et cette semaine, c'était très très laborieux, peut-être dû aussi à un week-end un peu chargé. Et on va attaquer avec un groupe que je n'ai pas tellement pratiqué. Je crois que vous avez proposé leur musique une seule fois ces 10 dernières années. Il s'agit de The Heliocentrics, la formation originaire de Londres, qui est revenu avec un nouvel album au printemps, sorti je crois au mois de mars, sous le titre From the Deep Now Again. Et The Heliocentrics, bah, c'est une genre de formation un peu free funk, on pourrait dire, avec pas mal de percussions de clavier, et qui sait s'entourer puisqu'elle joue notamment aux côtés de pionniers de l'afrobeat tels que Orlando Julius, ou encore elle avait invité sur son dernier album Monsieur Melvin Van Peebles à faire des spoken words. D'ailleurs, je crois qu'ils avaient aussi fait ce genre de choses sur scène au Festival de la Villette aux côtés d'Archie Shep. Donc pas mal de mélanges et de croisements en tout genre, une côté un petit peu vintage dans leur son, qui convoque tout autant Miles Davis que Can ou encore Fela. Et on va pouvoir s'en rendre compte avec un titre assez incroyable, extrait de ce From the Deep, le morceau Night and Day. On écoute les Heliocentrics. Thank you. Thank you. une séquence toute dans le groove chatoyant pour démarrer l'asile de cette semaine avec, n'y voyez pas de malice de ma part, deux formations britanniques dans cette série de trois titres. On a démarré avec le retour des Heliocentrics, le groupe dans lequel officie notamment monsieur Jack Iglesias, qui n'a rien à voir avec la famille Iglesias, mais qui joue des flûtes, percussions et centour aux côtés de ses camarades. Pas mal de percussions pour ce groupe mené par le pianiste percussionniste Malcolm Cato. Alors je ne sais pas s'ils viennent de Saturne comme monsieur Herman Poulblut. En tout cas, la musique qu'ils produisent est vraiment très très agréable, et ce depuis une bonne dizaine d'années qu'ils existent, les Heliocentrics. Là il s'agissait de leur dernier disque sorti sur le label américain Now Again Records. Il s'intitule From the Deep, donc sorti non pas sur Stone's Throw Records mais sur la subdivision de ce même label Now Again Records, qui édite la musique des Heliocentrics depuis quelques années. Et on a enchaîné leur titre Night and Day avec une nouvelle formation colombienne, des fameux projets colombiens bien connus de monsieur Eblis Albares, des Meridian Brothers, Piranhas et autres formations assez déglinguées de Bogota. Et on le retrouve aux côtés notamment d'un membre de Rumpa Rayo sur ce nouveau groupe. C'est un duo, je crois, qui répond au nom de Chupame El Dedo. Alors je sais pas trop ce que ça veut dire, mais je crois que c'est assez salace le nom de cette formation. Ça sort mi-juillet, ce disque éponyme par ces Colombiens, sorti sur le label britannique Discrepante. Comme de juste, j'aurais tendance à dire, vu que Discrepante publie à peu près tout ce qui bouge dans le domaine des musiques innovantes ces derniers temps, et notamment avait sorti les disques de Rompe Rayo, et aussi en parallèle là, récemment un disque de Charbel Haber, le fameux musicien libanais qui joue notamment dans Malayine, dans le Johnny Kafta Anti-Végétarian Orchestra et tout ce genre de choses qu'on vous passe assez régulièrement à l'asile. Et donc ce LP de Chupame El Dedo qui est assez surprenant. Tout le disque est dans ce registre un peu sinistre. Alors c'est peut-être la version un peu métal de ces musiciens colombiens. Des voix toujours très proches de l'esprit Residence et des claviers très très déglingués. Une musique assez, assez différente, peut-être un petit peu moins samba sous acide et un petit peu plus anglo-cri pour ce Chupame El Dedo. Et on a terminé avec une formation britannique pour refermer la marche, et il s'agissait de Housewives, un groupe qu'on découvre en tout cas en ce qui me concerne, et ils viennent de faire paraître leur deuxième disque. Alors c'était sorti je pense à la fin de l'année 2015 sous le titre Work. Je le découvre à l'occasion de la nouvelle compilation en téléchargement pour les abonnés du magazine The Wire, Below the Radar, sur laquelle figure ce titre qui me donne une furieuse envie d'écouter l'intégralité de cet album qui était sorti il y a de ça quelques mois en coproduction entre Blank Editions, Negative Days, et pour la version francophone, l'excellent label Hands in the Dark, qui sort quantité de choses, autant en folk psychédélique par exemple façon Cancun que dans les musiques un peu de traverse et innovatrices. Et donc Housewives qui eux pratiquent une sorte de musique un peu post-punk no wave sur le retour, et c'est plutôt très bon. Ils avaient sorti un premier album en 2013 apparemment, ce groupe de noise londonien. On va continuer avec des américains dont on vous a assez copieusement passé la musique ces derniers mois. Il s'agit des Horse Lords, le fameux combo de Baltimore qui mélange musique américaine traditionnelle, on pourrait dire, avec un côté répétitif minimal, puis un côté un petit peu kraut aussi sur les bords. Ils sont constitués d'un bassiste, d'un guitariste, d'un batteur et d'un saxophoniste, Andrew Bernstein, alors parfois deux guitares également. Ils avaient fait paraître un excellent disque sur NNA Tapes à la fin de l'année 2014 sous le titre Hidden Cities, avec lesquels on les avait découverts. Et ils viennent de récidiver en ce printemps avec un tout nouvel opus sous étiquette Northern Spy. L'album s'intitule Interventions. Vous avez passé un premier titre en preview. Je propose d'écouter une pièce assez longue sous le titre Toward the Omega Point par les Horse Lords. Thank you. Wow, les Horse Lords dans leurs œuvres, avec un morceau assez emblématique de leur style, assez chaloupé et d'obédience aussi un peu africaine, avec un extrait de ce disque Intervention qui est sorti au printemps sur Northern Spy, leur troisième disque en date pour les Horse Lords, eux qui ont pas mal tourné notamment aux côtés de Guiriatos. Ils ont aussi collaboré notamment aux côtés de Matmos par exemple, et c'est assez normal puisqu'ils habitent à Baltimore, qui est la propre ville des Matmos, et un groupe assez prometteur. On attend vraiment la suite de ce qu'ils vont pouvoir produire, ces quatre là, vu la qualité de leurs deux derniers opus, et celui-ci est encore à l'image du précédent, avec pas mal de petites pièces aussi très très étranges, assez inclassable, et des morceaux très très envoyés comme celui-ci, Towards the Omega Point par les Horse Lords. On va continuer avec un musicien qu'on suit aussi, on va dire, depuis pratiquement une vingtaine d'années. Il s'agit de David Groups, qui est de retour en ce printemps et début d'été, on ne sait pas trop comment appeler cette saison à vrai dire, avec un nouvel opus en solo ou quasi, sous le nom de Prism Rose, sorti chez Blue Chopstick, comme de juste, sa propre marque qui est une subdivision, plutôt un label de musiciens distribué par Drag City, le label de ses compatriotes de Chicago. Et donc c'est un grand retour pour David Groups dans le style qu'on lui connaît, avec ses arpèges de guitare. Alors assez peu de voix sur ce nouvel opus, contrairement à celui qu'il avait sorti il y a de ça 2 ans, qui nous avait énormément plu, qui s'intitulait Dust and Mirrors, sur lequel on le retrouvait aux côtés d'Andrea Belfi et de Stefano Piglia. Et donc pour celui-ci, il est quasiment seul sur la plupart des pièces, à l'exception de quelques percussions de monsieur Eli Kessler, qui est un percussionniste américain new-yorkais qui se produit dans des scènes plutôt expé et free en tout genre. Et donc comme toujours, une musique beaucoup basée sur le silence, et avec un style assez inimitable qu'on lui connaît depuis notamment Red Crayola, Gastro del Sol et autres Palace, donc différentes formations dans lesquelles il s'est illustré, Monsieur Groups. Et je propose d'écouter un titre assez long qui s'intitule, il y a aussi des titres d'une minute, voilà, c'est des morceaux qui s'échelonnent entre 1 minute et 12 minutes, donc j'ai presque coupé la poire en deux. On va écouter le Manifesto in Clear Language par David Groups. Thank you. Petite séquence farniante à la sauce Asile qui a démarré avec le dernier opus de David Groups qui n'a été pas forcément très farniante. Il s'intitule Prism Rose et est sorti comme d'habitude hein, sur sa propre marque Blue Chopstick. David Groups qui est quelqu'un d'assez passionnant à suivre. Je ne peux que vous conseiller d'aller sur son blog blackforest.tumblr.com sur lequel il poste des messages assez régulièrement. Ça permet de suivre ses actualités, de voir que le monsieur est très très occupé, tant dans le domaine de l'édition que de la performance. Très inspiré aussi par les arts plastiques, monsieur David Groups, et par les musiques peut-être un tantinet proche de l'improvisation et d'une certaine forme de silence intérieur. Musique très très agréable sur son dernier opus, plutôt solo, donc avec des côtés un peu musique baroque revisité à la guitare. C'est quelqu'un qui est capable de jouer du folk à l'américaine revisité par quantité d'influences contemporaines, David Groups. Voilà donc pour son Prism Rose qui ne déroge pas à la règle, et il a sorti aussi d'ailleurs un nouvel opus de son travail avec et plutôt aux côtés de la poétesse Suzanne Howe il y a de ça quelques mois également, que je n'ai pas écouté mais que je vous proposerai peut-être dans une prochaine émission. Ça s'intitule Wood Sleeper Counter Clatter. Voilà, tout ça attaché. On a enchaîné le titre de David Groups, Manifesto in Clear Language, avec une formation que je découvre, ou des musiciens que je découvre plus exactement. Il s'agissait de Mock et son deuxième disque Saint-Omar, publié par Objet Disque. Mock, qui est quelqu'un d'assez connu dans le domaine des musiques hexagonales, notamment pour avoir été la moitié du duo pop Holden et pour avoir collaboré aux côtés de pas mal de gens, notamment Sylvain Vanneau. Il a aussi participé à Arlt et donc sous son propre alias Mock, Monsieur Dominique Depré produit une musique assez nouvelle. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu un son comme ça dans les domaines hexagonaux. Musique de traverse assez nouvelle, avec un côté un peu jazz hybride également. La pochette est assez incroyable aussi de cet album Saint-Omar, publié par Objet Disque, qui publie également d'ailleurs un mini-album de Halt en compagnie d'une classe de chanteurs de 6e qui est assez étonnant. Vous pouvez écouter ça sur le Bandcamp d'Objet Disque. Voilà, on va continuer avec une musicienne d'origine turque. Il s'agit de Ekin Fil, de son vrai nom Ekin Ezel Tunsenki. Je crois qu'elle est basée aux États-Unis et on l'a découverte Boyotsa quelques temps déjà avec plusieurs albums qui étaient sortis notamment sur Students of Decay, le label Bassetics Records également, ou encore Root Strata et Exotic Pylon. Je crois qu'on avait d'ailleurs je vous avais proposé d'ailleurs le maxi qui était sorti sur Exotic Pylon. Et elle produit une sorte de musique un peu shoegaze, façon un peu post-Cocteau Twins et autres slow dive, avec des ambiances assez brumeuses. Ça fait pas mal penser aussi à du noveler dans les choses un peu plus contemporaines. Donc une sorte de guitare passée par différentes pédales avec sa voix, et tout ça dans des ambiances cotonneuses. Celui-ci est dans le même esprit. Il vient de sortir sur le label Helen Scarsdale Agency, l'excellent label qui produit des choses très très variées dans le domaine des musiques un peu post-industrielles et expérimentales, notamment je pense à Francisco Merino. On vous avait passé aussi la musique de Fossil Aerosol Mining Project récemment, également un peu des musiques des gens d'obédience un peu post-coil, type Steel Tube Petsta ou encore Colocant. Et donc Ellen Scarsdale Agency produit ce nouvel album de Ekin Phil. L'album s'intitule Being Near et il va faire assez écho à l'album de David Groups, le titre Almost Silence par Ekin Phil.

sur l'antenne du 94 MHz, une ambiance un peu crépusculaire et de saison avec de l'ambiance un peu dark, un petit peu shoegaze aussi sur les bords, avec tout d'abord le nouvel album de Ekin Phil, Madame Ekin Uzel Tusenki, musicienne d'origine turque qui produit cette musique depuis quelques années, et sur son nouvel opus Being Near, sorti par le fameux label Helen Scarsdale Agency, elle continue à creuser son sillon, toujours dans ce registre un peu brumeux, cotonneux, et on a enchaîné avec le trio polonais Komora A, qui signe son premier album long. Ils avaient sorti une premier album officiel aussi, ils avaient sorti une cassette il y a de ça 2 ans, et c'est le groupe dans lequel on retrouve Jakub Mikolajczyk, qui est le producteur qui s'occupe du label Monotype Records, et c'est Monotype qui sort ce nouvel opus de Komora A, comme la cassette aussi précédemment. Donc ça s'intitule Crystal Dwarf et c'est plutôt assez énigmatique comme musique, un peu à l'image de ce que peut produire le label de Varsovie dans le domaine des musiques électroniques expérimentales un peu tous azimuts. C'est un tantinet plus ambiante que certaines choses, un peu plus de recherche électronique expérimentale que peut produire Monotype, qui a sorti quantité de choses depuis à peu près 7-8 ans, avec des livraisons à peu près biannuelles ou triannuelles par paquet de 4 ou 5 disques. Et donc encore cette année 2016, pas mal de choses qui sont sorties ces derniers mois, dont ce Crystal Dwarf donc de Komora. Ah, on va continuer dans un registre un peu proche avec le grand retour de David Toup, après David Groups, David Toup, et donc le retour du musicien britannique, musicien et aussi théoricien de l'art sonore, David Toup, qui a commencé dans les années 70, qui a collaboré aux côtés notamment des Flying Lizards. Il a fait partie aussi de la formation Alterations, groupe d'impro britannique très très fameux aux côtés de Peter Cusack, Terry Day et Steve Beresford. Je vous en parle d'ailleurs parce qu'ils viennent de se reformer avec une série de concerts ce mois-ci au Café Auto de Londres. Et David Toup, toujours très très actif, notamment pour enregistrer des sons de peuplades primitives à l'autre bout du monde et pour théoriser un peu les soundscapes du monde entier, vient aussi de sortir un nouveau livre. Voilà, lui qui se fend assez régulièrement d'une littérature autour de l'art sonore très très fameuse. On se rappelle de Ocean of Sound. Celui-ci s'intitule Into the Maelstrom, Music Improvisation and the Dream of Freedom. Ça vient tout juste de paraître et c'est un livre autour des musiques free improvisées des années 70, notamment l'émergence de cette free music autour des ensembles Nuova Consonanza, MEV, AMM, Spontaneous Music Ensemble et autres groupes Ongaku pour le Japon, entre autres choses. Et il a accompagné cette livraison livresque, on pourrait dire, avec un nouvel opus sous le titre Entities, Inertias, Faint Beings, publié par le label de son camarade Lawrence English, Room 40. Et l'album est vraiment un pur délice aux oreilles. Je propose d'écouter le titre qui referme cet album, Invertebrate Drawings, par David Toup. Thank you. et j'ai des mots dans une langue que je ne connais pas. Tiens, que je ne connais pas, je ne sais pas ce que c'est, je pense que c'est du babylonien. C'est ce, le fameux Manet, Tekel ou Farsin, je ne sais pas ce que c'est comme langue. C'est du babylonien, ou du médien, ou du vieux perse, je pense du babylonien. Avec des reflets irisés, un peu comme dans les opales. séquence pour triper sur son transat dans l'Asile le plus sûr qui a démarré avec le nouvel opus de David Toop qui répond au nom de Entities, Inertias, Faint Beings qui est vraiment sublissime, sorti chez Room 40, label de Lawrence English qui était enchaîné avec le bordelais Johan Mazet qui fait une échappée de son cercle des malissimalistes en solo avec un CD sur étiquette de monsieur Joe Tans Process. L'album s'intitule Les Transports et on écoutait Dérive en grande garbagne, le titre le plus court de ce CD vraiment très réussi par monsieur Johan Mazet. Voilà, l'émission est quasiment terminée. Le temps pour moi de vous rappeler que vous pouvez réécouter ce programme sur son blog asile35.blogspot.fr avec l'ensemble des sélections, des playlists et des liens. Et la semaine prochaine, on fera une émission beaucoup plus jazz impro et le tour des festivals de l'été à ne pas manquer. Et on se termine avec un dernier titre de monsieur Poppy No Good, qui est l'alias d'un violoniste qui est multi-instrumentiste, qui vient de produire un album solo sous le titre Music for Morning. Une musique inspiration Terry Riley, Steve Reich, mais dans une obédience beaucoup plus post-romantique. C'est plutôt pas mal. De bout en bout, je propose de démarrer, d'écouter le titre qui démarre cet album de Poppy No Good, Music for Morning, sorti sur étiquette polonaise Preserve Sound. Ça fera une très très belle conclusion à l'émission de cette semaine. Je vous souhaite une très très belle nuit et une très belle semaine. À bientôt. Thank you. Thank you.